Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. En préliminaire, vous avez eu droit à un petit d'Orz des familles, extrait de Hello Woman, ça date de 71. Vous avez tous reconnu le superbe Riders on the Storm. Voilà un morceau un petit peu triste, un morceau à contre-courant du temps qu'on traverse, puisqu'il fait beau et chaud, un morceau très humide, très mélancolique, mais bon, on a tenu avec l'ami Olivier à faire ce petit hommage aux d'Orz. Le hasard fait, le calendrier fait que deux personnes autour de moi ont perdu des êtres chers. Alors je pense que c'est un petit clin d'œil, voilà, pour Thierry de Shop 33 et puis pour Christiane qui a perdu sa maman. Voilà donc un petit clin d'œil bien amical pour ces deux personnes. On a un programme bien chargé, comme chaque mois, un programme éclectique. On va essayer de se promener une fois de plus dans tous les pays du progressif et également se promener dans le temps, voyager dans le temps et l'espace. Vous savez que c'est un début, une des missions de la navette Prog à part. On partira aux États-Unis, en Tchécoslovaquie, en la Tchéquie on dit maintenant, On partira en France, en Angleterre, en Suède et j'en passe. On reviendra dans le temps, on va remonter en 79, en 80, et puis on partira pour ce qui vient de sortir, 2000. Voilà, même quelque chose encore le plus ancien, je le vois sous les yeux à l'instant, c'est de 73. Donc, je pense pour tous les goûts, du symphonique au plus expérimental, avec des groupes majeurs comme King Crimson et des groupes beaucoup plus confidentiels comme M-Effect. Je crois que vous pourrez faire votre provision de bonnes choses. On démarre tout de suite avec un jeune groupe américain qui, paradoxalement, a une touche très british, à mon humble avis. Ce groupe s'intitule Tristan Park. Tristan Park, si vous préférez, a sorti en 98 un album superbe, Looking Homeward. Ils regardaient en direction de leur foyer. Ils ont bien raison parce que cet album de 98, sorti chez Cyclops, est ma foi de fort bonne facture. Je vous propose tout de suite et sans tarder un extrait de ce Tristan Park. My life's just now starting. Can I ever run away? My ambition, I'm the victim. See me for what I am. I'm the victim, beaten down. Feel pity on me. Out of the bottom, my plan has begun. How could it be this easy? Over my shoulder, I have to run. Can I ever run away? Through ambition, I'm the victim. See me for what I am. I'm the victim, beaten down. Feel pity on me. Soul. town, restless souls looking for peace. Miles to go, miles to go, I'm looking home. The beauty in the air, the sense I still call home, the voices all familiar, the taste that once were bland, now I'm looking home. M effect. Hledačů. A já Thank you. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Progress 2. Voilà quelques mots sur ces deux groupes majeurs du progressif tchèque. Des années 70, vous avez entendu tout d'abord M Effect. Le titre de l'album, c'est imprononçable. Je vais essayer Svet Eldakchu. Voilà, ça date de 79. C'est enfin disponible en CD. C'est superbe. Quelques influences de Kamel par-ci par-là. C'est vraiment de très haute volée, même c'est aussi assez floydien, comme vous avez pu le constater. On vient d'écouter à l'instant Progress 2, un album de 80 cette fois-ci, qui s'intitule Dialogue comme un dialogue, S. Vesmirem. C'est un petit peu plus facile à prononcer. Voilà un morceau superbe aussi. Progress 2 tire plus du côté du Floyd. Il a été très dur de trouver des morceaux, puisqu'en fait c'est une longue suite très très mélancolique, comme vous avez pu le constater. J'attends avec impatience la réédition d'un double vinyle qu'ils avaient sorti sur le livre de la jungle, et oui, ça s'invente pas. Voilà donc deux groupes tchèques, c'était un petit peu la curiosité du moment. On continue avec un groupe assez curieux aussi, un petit peu carnavalesque. Il s'intitule Zen Carnival. J'ai trouvé ça très sympa. La première écoute, ça m'a pas emballé. Et puis la deuxième et la troisième, j'ai bien aimé. Bon, c'est du néo-prog, de bonne facture. On y retrouve quelques influences de 12 Night. Voilà, je vous laisse écouter ce mini-LP, ce mini-album Inheritance, c'est-à-dire l'héritage, tout de suite sur le 100.7, et c'est bien sûr Prog à part.